Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, les sœurs Brontë. Du point de vue de l'histoire littéraire, ce roman, Les Hauts de Hurlevent, moi, je le considère comme vraiment le chef-d'œuvre qui est sorti du groupe Brontë. Elles sont trois sœurs, Charlotte, Émilie et Anne, les sœurs Brontë. Elles vont laisser trois chefs-d'œuvre à la littérature anglaise. Jane Eyre, le premier roman de Charlotte, La recluse du manoir de Wilfred Hall, le deuxième roman d'Anne, et Les Hauts de Hurlevent, le seul roman écrit par Émilie, ce roman dont parlait le chroniqueur Jacques Brault à l'émission La Ronde des livres en 1984. En plein air victorienne, ces trois sœurs vont aussi participer à leur manière au balbutiement de ce qu'on va appeler plus tard la littérature féministe. La seule idée de ce voyage me fait trembler de la tête aux pieds. J'ai peur pour Branwell. Si tout cela vient à ses oreilles, cela l'achèvera. Dans la vie des Brontë, par exemple, ce qui reste secret, ce qui reste fort et ce qui, à mes yeux, est en tout cas très puissant, c'est le rapport entre l'amour et l'art. Et la façon, surtout dans un milieu victorien, surtout dans le contexte donc du 19e siècle, la façon dont ces personnages sont tout à fait excentriques. Je veux dire, ne correspondent absolument pas à la norme de ces temps-là. Vous voyez, et ils ont une espèce d'expérience qui est un peu tragique, enfin qui est presque de l'ordre du sacrifice par rapport à l'écriture. Et ils font tout ça évidemment dans le dos de leur père, enfin, et dans le cadre d'un presbytère. Ils se livrent à ça comme à une sorte de pratique interdite, puisqu'on parlait de ça tout à l'heure, de pratique tout à fait clandestine. Bon, et c'est ça qui me passionne énormément. Simplement, je me demande si ce voyage à Londres est vraiment nécessaire. Qu'avons-nous à rentrer dans des querelles d'éditeurs? Qu'ils acceptent de nous publier ou qu'ils refusent? Nos rapports devraient s'arrêter là. Ne recommençons pas. Ta volonté sera respectée. Le réalisateur du film Les Sœurs Brontë, André Téchiné, à l'émission Femmes d'aujourd'hui en 1979, extrait de ce film qu'il va donc réaliser également en 1979. Pour nous parler de la vie et de l'œuvre des Sœurs Brontë, je reçois l'historienne Évelyne Ferron, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke, professeure d'histoire au Collège Mérissé à Québec. Évelyne Ferron, bonjour. Bonjour. Ça, c'est une émission bonbon pour vous parce que oui. Vous les adorez, les Sœurs Brontë. Pourquoi? Quelle place elles occupent, ces trois sœurs, dans l'histoire de la littérature anglaise? Bien, elles entrent dans le courant vraiment où le roman est important au 19e siècle. C'est vraiment l'émergence du roman. Il y avait eu quand même Jane Austen avant. On a quand même des grands auteurs aussi là, qui vont arriver avec ce qu'on appelle le style gothique. Alors, la Dame en blanc, The Woman in White, on va arriver avec des styles où les romans sont costauds et où les gens se divertissent par la littérature. Mais en même temps, on aime le côté un peu, pas tant surnaturel, mais on aime qu'il y ait quelque chose de caché. On aime un peu le fantôme, les fantômes du passé qui nous hantent, qui hantent les personnages ou qui hantent les lieux ou qui rendent les gens un peu nerveux. Et elles vont entrer dans cet univers-là avec des personnages, on l'entendait dans l'extrait, excentriques, oui, mais saines d'esprit la plupart du temps, ça dépend des romans, mais où souvent on va douter un petit peu, bon, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a quelque chose de mystérieux. Mm-hmm. À travers une histoire qui est assez régulière de femmes, il y a toujours justement un aura de mystère qui plane, et ça vient ajouter comme à l'expérience du roman. Donc, c'est une époque où le roman fait vivre une expérience, et c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup de classiques du 19e siècle anglais qui sont encore des grands classiques aujourd'hui. L'histoire de Sœur Brontë elle-même, elle est fascinante parce que, bon, il y a trois sœurs, un frère aussi dont on parlera plus tard, mais il y a trois sœurs essentiellement qui vont écrire trois chefs-d'œuvre de la littérature anglaise, c'est déjà pas banal, à peu près en même temps. Dans les mêmes années. Des conditions de vie, elles vivent des recluses. Dans l'Angleterre reculée. Dans les Landes, dans les Landes du Yorkshire. Alors, on est dans un univers, il faut vraiment imaginer des roches, beaucoup de sentiers de marche, des forêts, mais le mot Hurlevent, qui a été utilisé pour la traduction de Wuthering Heights, qui est le roman d'Émilie qui a marqué l'imaginaire. C'était vraiment le nom d'un vent qu'on donnait dans l'ouest du Yorkshire. C'est des vents vraiment qui écrasent tout sur leur passage. L'herbe, tout ça s'écrase quand les vents passent. Les goulons des portes veulent sauter, même si c'est pas une tornade. Et donc, c'est ça, ça détruit un peu tout sur son passage. Et c'était le titre parfait pour ce roman-là. Mais donc, c'est un univers isolé, autant au niveau du paysage, qui détonne beaucoup avec le reste de l'Angleterre, à cause de ces vents-là et parce qu'on est dans le nord. et qu'on est dans un univers de roche, beaucoup. Alors, c'est très pastoral aussi comme univers. Et en même temps, le père étant pasteur, vu dans une petite communauté, c'est sûr que c'est pas l'endroit où elles vont pouvoir se faire beaucoup d'amis non plus. Alors, c'est une famille qui va vivre vraiment repliée sur elle-même parce qu'elles sont un peu différentes aussi des communautés du Nord à l'époque industrielle, qui sont des communautés pauvres, peu éduquées. Ces filles-là, par un père pasteur, vont avoir la chance d'être éduquées. Ouais. Donc, elles n'auront pas beaucoup de similitudes, en fait, avec les autres personnes de leur âge, autant les garçons que les filles. Donc, ils vont avoir tendance à vivre dans leur propre univers. Filles éduquées, filles de pasteurs, mais qui vont quand même, certaines d'entre elles, en tout cas, se retrouver dans ces fameuses écoles pensionnaires de l'époque, ce qui est assez horrible. Alors, les pensionnats du Nord, en particulier, oui, c'était horrible. Les gens, justement, qui travaillaient dans les usines, qui n'avaient pas les moyens de s'occuper de leurs enfants, les envoyaient là. C'était des pensionnats très pauvres, parce qu'il existait aussi des grandes écoles où on pouvait être pensionnaire, où on avait une grande éducation, qu'on était bien nourri, bien logé. Donc, il y avait des différences entre ces écoles-là un peu partout en Angleterre. Mais dans le Nord, ce qu'on appelle les fameux pensionnats anglais de l'époque victorienne, ça marquait l'imaginaire pour des raisons absolument éprouvantes et épouvantables, parce qu'on les nourrissait très peu, on ne chauffait pas les bâtiments. Alors, elles avaient des toutes petites chemises de nuit, les petites filles, elles étaient frappées si elles ne se conduisaient pas de la bonne façon. C'était souvent amené par des religieux qui avaient une vision assez extrême de la religion aussi, du comportement que devait avoir une fille. On les voyait comme des moins que rien. Éduquer une fille, on le fait, bon, parce qu'on est une école, mais on va vous éduquer plus physiquement et à vous comporter comme une dame puis à obéir à votre mari plutôt que vous donner une vraie éducation. Et ces conditions-là ont marqué d'ailleurs dans les journaux de l'époque qu'il y a plusieurs écoles qui ont dû fermer parce qu'il y a eu des éclosions de tuberculose ou de maladies, parce qu'on a réalisé que les conditions de vie dans ces écoles-là favorisaient en fait la maladie. On réalisait que les filles étaient mal nourries. Le fait d'être mal nourries, ben, ça aidait pas à survivre à la maladie. Et c'est comme ça que Marie et Elisabeth probablement meurent en fait. Deux des sœurs. Marie et Elisabeth, les aînées, et Charlotte avaient été envoyées dans ce type d'école-là. Ouais. Charlotte survit, mais je veux dire, plus jamais on va les retourner dans un univers comme ça. Là. Donc, un environnement assez austère, filles de pasteurs, certaines d'entre elles qui fréquentent ces pensionnats épouvantables dont vous venez de nous parler. Donc, ça, c'est un peu la toile de fond. C'est très glauque. Ouais. Et très vite, donc, dans leur vie, l'écriture est comme une bouée. Ouais. Elles vont s'accrocher à ça en créant ce monde imaginaire. Ça va les aider à survivre à cette réalité assez austère et difficile qu'est la leur. Les textes de jeunesse, donc, qu'elles vont écrire vont être importants. Ça va donner éventuellement, ça va être regroupé tout ça dans la collection, ce qu'on va appeler Juvenilia. C'est la grande et splendide cité dont le noble souverain défie les plus puissantes armées qui à ses forces se mesurent. Oh, qu'il règne à jamais dans la splendeur, que son glaive rutilant soit taché du sang bouillant des ennemis, quand bien même il chevaucherait les nuées. Puisse-t-il les abattre et les humilier de son terrible mépris? Puisse-t-il devant lui courber la tête et craindre son nom puissant? C'est que ces écrits de jeunesse sont faits pour être mélangés, puisqu'il arrive qu'un texte de Charlotte réponde à un texte de Branwell écrit la veille. Il y a un texte qui s'appelle « The Liar Detected », le menteur démasqué, qui est le menteur, c'est celui qui a écrit la veille, à laquelle la sœur répond le lendemain. Vous voyez, je veux dire, donc c'est des textes qui s'enchaînent les uns aux autres comme une sorte de série d'anneaux et qui n'ont de sens, mais réellement, profondément, qu'à être publiés ensemble dans la chronologie totalement stricte qui est la seule qui permette de comprendre l'enchaînement des événements d'une sorte de saga extraordinairement compliquée. Extrait de l'émission La Compagnie des auteurs, diffusée à France Culture en 2018. Vous y entendiez, entre autres, le romancier et historien Raymond Belour. Donc, pour les sœurs Brontë, Evelyne Ferron, pour leur frère aussi, Branwell, la littérature, ça devient vraiment une manière d'échapper à la réalité. Ils vont se créer ce monde imaginaire qui va donner Juvenilia. Comment ils glissent comme ça dans la littérature, dans ce monde imaginaire? Mais ils sont isolés quand il fait pas beau, en plus, dans les Landes. Bon, on est à l'intérieur. On passe beaucoup de temps à l'intérieur. Il faut quand même dire que Patrick Brontë, bon, qui avait quand même eu une bourse à Cambridge, qui était pasteur, c'est un homme éduqué. C'est un homme qui veut que même ses filles, parce qu'il a eu un seul garçon, soient éduquées. Alors, c'est des enfants qui, au-delà des pensionnats, à la maison, ont accès à tous les livres, peuvent consulter ce qu'ils veulent, sont donc lettrés. Et ben, en l'absence de télévision ou de n'importe quel autre type de divertissement, certains vont tomber dans l'art visuel. Ben, eux, ils ont un talent pour créer des univers. Et c'est comme ça que, en fait, c'est leur jeu de société. C'est ça. En fait, c'est les mots deviennent un jeu. Oui, c'est un jeu de société parce qu'on peut voir en fait cet univers-là qu'ils vont commencer à créer, qui bon, en anglais va s'appeler le Royaume africain de Glastown parce qu'il lit sur la géographie. C'est l'époque victorienne, c'est les explorateurs, c'est l'ouverture sur le monde. La technologie avance très rapidement. C'est un monde en pleine ébullition, mais c'est les sociétés de géographie qui publient dans les journaux des récits sur des contrées étrangères. Donc l'Afrique, évidemment, là, c'est Tombouctou, c'est encore un imaginaire. Il y a plein de choses. Alors ils vont utiliser ça et elles vont même inventer une île Gondal qui est exclusivement féminine parce que les filles dominent dans cet univers-là aussi. Et c'est comme un jeu de société. Donc, on crée des histoires, on se crée un peu des chansons à répondre, on se pose des pièges aussi. Il faut essayer, c'est un peu comme un roman policier. Et ça va avec le ton de ce qu'elles lisent, qui est accessible à l'époque victorienne. C'est vraiment un écho, en fait, à toute la documentation qui existe à ce moment-là. Ouais. Et ça, c'est ça, ils se font un monopoly littéraire dans lequel ils bougent les pions et dans lesquels ils se répondent. Donc, c'est assez fantastique. Oui. Et ça leur permet encore une fois donc de sortir un petit peu de cet isolement que vous décriviez. Cela dit, à un moment donné, elles vont carrément, certaines des sœurs en tout cas, sortir de ce milieu hostile. Deux des sœurs Brontë, Charlotte et Anne, vont éventuellement se trouver, remarquez, ce ne sera pas Jojo, une place de gouvernante. Mais Charlotte et Émilie iront d'abord du côté de Bruxelles, où elles étudient les langues. Parlez-moi de cet épisode-là. Bien, c'est sûr que le père leur a toujours dit, surtout dans le Nord, quand il voyait les femmes dans les usines, il se disait, mais vu que vous êtes que des filles, peut-être vous allez avoir à assurer votre survie. Oui. Et donc, plus vous êtes éduquée, plus vous avez la chance de monter dans les échelons de l'éducation, ça va vous donner peut-être une chance dans des grandes maisons où les conditions de vie sont peut-être plus intéressantes que dans les usines. C'est un peu comme ça que Charlotte, effectivement, et Émilie veulent apprendre l'allemand, le français, parce que c'est l'époque où ces territoires-là sont quand même importants du point de vue des relations diplomatiques et politiques. Et elles vont étudier à Bruxelles. Dans le fond, elles sont tutrices pour des jeunes enfants, mais en même temps, elles bénéficient des cours de plus haute éducation pour les adultes. En même temps, c'est comme l'échange. Et c'est à ce moment-là que Charlotte tombe amoureuse du propriétaire, en fait, Constantin Egger, de l'établissement où elle se trouve. De ce qu'on en sait, lui, il était marié. Est-ce qu'il avait vraiment un amour pour elle? Il le prend en jouet sur la carte. Par contre, il devait être flatté de l'intérêt qu'elle lui portait, mais pour elle, dans sa tête, c'était le grand amour. Ouais. Et quand on lit Jane Eyre, on ne peut pas passer outre ce qui s'est passé à ce moment-là, parce que pour Charlotte, ben, le désir arrive. Ouais. Désir pour quelqu'un qu'elle ne connaît pas, qui lui montre un univers complètement différent et qui fait éclater sa vision du monde aussi. C'est sûr qu'elle est vraiment... là, c'est comme si elle était sublimée par l'amour à ce moment-là. Et ça va rester, ça. Mais c'est sûr que la femme va s'arranger pour que là, Charlotte s'en aille. Et elle aussi, elle va être malheureusement gouvernante et ça va marquer un peu son imaginaire. Sa vie et son imaginaire, effectivement. Ça va se retrouver dans ses romans. 1846, c'est là où elle publie leur premier ouvrage. C'est un recueil de poésie. Oui, parce qu'au départ, elles écrivaient des plus courtes histoires. Elles ont écrit des courtes histoires aussi. Elles ont écrit plein de choses. Elles essaient de publier de la poésie. C'est pas méchant. Des femmes ont le droit de publier de la poésie. C'est à peu près le seul univers où des fois on pourrait tolérer que des femmes le fassent. Mais là, elles réfléchissent puis elles se disent, est-ce qu'on publie sous un nom de femme? Qu'est-ce qu'on fait? Ça va toujours être un peu le problème. Donc, la poésie, bon, c'est publié, mais ça pratiquement pas d'écho. C'est sûr à compte d'auteur, quelques exemplaires. Voilà. Donc, je dirais que c'est leur cercle d'amis qui vont aimer ces poèmes-là. Et à la mort des Sœurs Brontë, ce sera republié. Ça va avoir peut-être une plus grande portée. Mais tout de suite après, à partir de 1846-1847, là, ça y est, elles prennent des plumes d'hommes et elles vont publier des romans qui vont marquer l'histoire. Savez-vous où vont les méchants après leur mort, Jenner? Ils vont en enfer. Et l'enfer, qu'est-ce que c'est? Où êtes-vous, jeune peste? Si vous ne restez pas tranquille, vous serez attaché! Un abîme plein de flammes. Voudriez-vous choir au fond de cet abîme et brûler pour l'éternité? Les critiques, on sait, au moment de la parution de Jane Eyre, sont enthousiastes. Ça lui fait beaucoup de bien. Les critiques qui la font le plus souffrir, ce sont les accusations d'immoralité. Par exemple, Harriet Martineau, qui est la grande féministe que l'on sait, va l'accuser à un moment donné d'immoralité et d'impiété, ce qui est très drôle venant d'Harriet Martineau parce qu'elle était elle-même athée. Et c'est une critique que Charlotte ne pourra pas supporter parce qu'elle est tout à fait inconsciente qu'il y ait de l'immoralité s'il y en a dans ses œuvres. Je ne dormais pas, je sais bien ce que j'ai vu. À mon humble avis, cette vision est mi-rêve, mi-réalité. Je vous trouve captivante. Que dois-je faire alors? Petit être rare et presque surnaturel, je vous veux pour moi seul. Vous connaissez si peu les hommes, gardez vos distances avec lui. Extrait de la bande-annonce du film Jane Eyre, réalisé en 2011. Vous entendiez également dans cet extrait la chroniqueuse Gabrielle Poulain parler de l'accueil que va recevoir le premier roman de Charlotte Brontë à sa sortie. 1847, donc une grande année, Evelyne Ferron. Les trois sœurs publient cette année-là des romans. Charlotte publie Jane Eyre. Quel impact, que dire de ce roman-là et de l'impact qu'il aura? C'est son grand roman et c'est celui qui, je dirais, permet aux deux autres sœurs peut-être d'être un peu connues et de pouvoir être publiées aussi. C'est peut-être celui qui est le moins violent, le moins excentrique aussi, et c'est ce qui fait que dans la société victorienne, il passe mieux, mais il est quand même révolutionnaire. Il marque, et pourquoi, William McPeace Thackeray, qui va écrire Vanity Fair, va tomber amoureux de ce roman-là, va dire « Wow, pour la première fois, j'ai l'impression de savoir ce que les femmes pensent. » Parce que autant les grands auteurs de l'époque victorienne, les hommes avaient des personnages féminins, c'était toujours, bon, la femme confinée qui agit d'une certaine façon, mais on ne savait pas vraiment ce qu'elle vivait à l'intérieur, comment elle se sentait, exprimer le désir. Et donc, Charlotte arrive avec ce personnage, Jane Eyre, qui vit donc les fameux pensionnats, qui est une orpheline détestée par la famille de sa mère. Donc, elle est envoyée dans ce genre d'école-là. Elle est abandonnée d'une famille très, très riche et elle va devoir survivre par elle-même. Ouais. Et c'est comme ça qu'elle arrive, en fait, au manoir de Monsieur Rochester, qui est un personnage vraiment étrange. Et ils ont 20 ans de différence. Et à travers Jane Eyre, elle exprime en fait ce qu'on appelle la prison féminine. Autant Charlotte détestait voir son frère Branwell avoir la chance de sortir, d'aller dans les bars, d'en profiter et tout ça. Et elles étaient confinées à la maison. Le voit, Jane Eyre l'exprime et dit « Moi, je trouve ça dommage. Avec toutes les connaissances que j'ai, tout ce que j'ai appris, je suis ici, je suis à l'intérieur et je n'aurai pas la possibilité, moi, de voir le monde. » Elle l'exprime. Et la relation qui se développe entre Mr. Rochester et Jane Eyre, 20 ans de différence, on sent la montée du désir, on sent l'attirance entre les deux personnages. Et pour la première fois, on voit en fait ces sentiments-là de l'intérieur d'une femme et comment elle les exprime et elle les vit. Et ça, ça a marqué l'imaginaire. Et c'est ce qui a fait que Jane Eyre est devenue une héroïne aussi. Ouais. On a un personnage féminin qui va vivre des choses incroyable, épouvantable par moment, mais qui s'en sort et qui est magnifique à la fin pour cette raison. Donc, on comprend pourquoi ce roman-là va être important. C'est son plus grand roman. Elle va écrire quelques autres romans, Charlotte, mais le roman Jane Eyre, Le professeur Villette, qui sont des romans un peu plus faibles, en fait. On sent qu'elle n'a pas, peut-être justement, la charge de désir ou la charge amoureuse qu'elle a eue lorsqu'elle a écrit Jane Eyre. Je disais 1847, c'est l'année qui propulse les trois sœurs. Mm. Charlotte qui publie Jane Eyre. La même année, Anne publie Agnès Grey, qui n'est pas son grand roman, c'est le suivant, en fait. Mais il passait bien à l'époque, par contre, justement, parce qu'il était peut-être un peu moins tendancieux, parce qu'elle va mieux, plus critiquer la société avec le deuxième. Qui va être son plus important roman, La Dame du Manoir de Wilfred Hall, publié l'année suivante. Oui. Et c'est pas le roman qui, à l'époque, est apprécié parce qu'elle ose montrer la violence conjugale et les impacts de la violence conjugale chez les gens de la haute. Sujet dont on ne parle jamais. Un homme n'aurait jamais écrit là-dessus, mais ici, on a une dame, justement. Des fois, ça a été traduit en français aussi par la recluse. On a joué sur les termes. Ouais. Mais cette femme-là qui arrive dans une contrée qu'elle ne connaît pas, semble, avec son garçon, semble très nerveuse. Bien, graduellement, un homme tombe amoureux d'elle et veut comprendre son histoire et réalise qu'elle est mariée à un être immonde de l'aristocratie et qui est toujours sous et qui la bat. Et c'est une femme qui fuit la violence conjugale. Donc, au départ, ça, là, c'était le genre de choses qu'on gardait à l'intérieur dans la société victorienne, dont on ne parlait pas. Le mari avait le droit de faire ce qu'il voulait avec sa femme et Anne ose contester ça et montrer une femme qui sort de ce milieu-là volontairement au péril de sa vie pour protéger son fils, mais protéger son propre honneur. Alors, ça a été long avant que ce roman-là devienne intéressant ou populaire. Trop choquant au départ pour la société victorienne. Alors qu'il était celui qui était le plus véridique d'un univers que, hélas, beaucoup trop de femmes vivaient à ce moment-là. Ouais. Ça a fait très mal aux gens de lire ça. Ouais. Et puis, la même année, donc toujours en 1847, Émilie, on revient à l'extrait qu'on entendait au tout début. Peut-être, en tout cas, Jacques Brault disait que c'est selon lui le chef-d'œuvre des sœurs Brontë, toutes sœurs confondues. Mm-hmm. Le roman d'Émilie, son seul roman, Les Hauts d'Hurlevent. Les Hauts d'Hurlevent. Mais ça, c'est celui qui... Il n'est pas populaire au début. Les gens le détestent et le critiquent. Je veux dire, Jane Eyre a été un peu critiquée. Bon, le côté immoral, c'est le côté du désir qui a vraiment dérangé. Mais Les Hauts d'Hurlevent, c'est exprimer le désir, la violence, l'agressivité d'une manière qui est... exceptionnel. Je veux dire, ça parle aussi, on peut dire, de sanité mentale. C'est un enjeu, en fait, dans ce roman-là. là. Alors, on joue sur à peu près tous les tabous de la société victorienne de l'époque, de ce qui peut se passer là, dans une maison avec des frères, des sœurs, des époux. Et elle, elle explose ça et elle expose ça au grand vent. C'est ça le but, les hauts ouais. hurlevents dans ces landes où on peut courir au vent et crier sa colère sans que personne nous voie, avec des personnages qui sont épris de passion, mais qui en même temps sont pris dans la société de leur époque et les classes sociales ne peuvent pas s'aimer à cause de ça. Ouais. Donc, c'est Heathcliff et Catherine. Et la mort se mêle à ça aussi. Donc, il y a vraiment l'histoire du fantôme de Catherine dans tout ça. Et les gens, autant ça répond quand même aux critères du roman gothique, sont tellement choqués par cette passion trop exprimée, par la violence des personnages, que ce roman-là va être populaire beaucoup plus tard. Ouais. C'est pas un classique sur le coup, contrairement à Jane Eyre, qui, dès le départ, est un succès de librairie. Ouais. Ce sera son seul roman, Émilie. Il faut dire que, vraiment, cette famille-là est frappée par le mauvais sort. C'est pas un hasard qu'Émilie n'ait le temps d'écrire qu'un roman. Et c'est une perte, parce que si elle avait continué, probablement qu'elle aurait pu, elle, produire encore d'autres chefs-d'œuvre. Et Charlotte aussi, si elle n'avait pas perdu ses sœurs. Mm-hmm. Probablement parce qu'elle que les aurait deux pu... sœurs vont mourir dans quoi une année ou à peu plus et en plus du frère. Oui, Branwell meurt. On croit que c'est peut-être lui-même qui a amené la maladie. C'est une tuberculose encore. À l'époque, c'est vraiment la maladie qui court partout. Branwell meurt. C'est sûr que ses finances n'allaient pas bien. Il buvait beaucoup, donc on n'a jamais su exactement les circonstances de sa mort. Ça marque les sœurs, évidemment. Ils suivent très, très rapidement. Elles sont dans la trentaine. Ouais. Et donc, Émilie et Anne suivent. Il reste que Charlotte. Et Charlotte, ben là, se retrouve toute seule. Et qui va mourir, elle aussi, quelques années elle plus tard. Elle se marie en 1854 et effectivement, elle était enceinte. On ne sait pas trop exactement les circonstances, mais elle meurt alors qu'elle a 39 ans dans des circonstances un peu nébuleuses. C'est déjà le moment, Évelyne Ferron, de parler de l'héritage que nous laissent les sœurs Brontë. Puis vous l'avez un peu évoqué, cette question du féminisme. Ouais. Est-ce que déjà, on peut parler de littérature féministe? On écoute d'abord l'auteur Fanny Britt à l'émission Les Incontournables en août 2016, puis on en reparle ensuite ensemble. Jane Eyre, ça a été vraiment un livre fondamental pour moi quand j'étais adolescente. Je pense parce que j'avais accès à une héroïne qui était une héroïne classique, qui n'était pas une héroïne, qui n'était pas célébrée pour sa beauté. Alors, et cette héroïne-là, elle était formidable pour moi parce que elle atteignait une espèce de grâce, une élégance, puis même un grand destin. Puis c'était pas parce qu'elle était belle. C'était parce qu'elle était déterminée, puis forte, puis autonome. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette littérature des sœurs Brontë dans cette perspective féministe, Évelyne Ferron? Est-ce qu'on peut carrément, déjà, parler de littérature féministe? Moi, j'oserais dire que oui. C'est sûr que Charlotte, dans Jane Eyre, se limite un peu parce qu'elle veut que le roman soit lu et publié. Pourquoi elle est quand même surprise pour l'aspect immoralité? Parce qu'elle a fait attention, alors qu'Émilie est allée dans les extrêmes. Mais oui, parce que c'est la première fois qu'on écrit des romans avec des personnages féminins très, très forts. Les trois vont avoir des personnages féminins très forts qui osent se sortir de conditions misérables par elles-mêmes, avec leur propre détermination et surtout par la connaissance. C'est un hommage à l'éducation des femmes. Ouais. Et ça, on le voit dans tous leurs romans. Une femme éduquée qui sait lire est capable de critiquer le milieu dans lequel elle vit et de savoir quand c'est le moment de dire au revoir et je vais faire ma propre vie, je vais faire... Des personnages forts, mais qui deviennent des modèles. Et qui font leur propre destin. Donc, quand on est jeune et qu'on lit Jane Eyre, je veux dire, on ne peut pas s'empêcher de se dire, bon, ben si ça ne va pas bien, éventuellement, là, je vais m'en sortir. Et c'est un livre d'espoir en même temps. Alors, c'est du féminisme, un féministe qui donne envie de se dire, même si je suis une femme, ce n'est pas une limite. Et ça, c'est magnifique. Évelyne Ferron, c'était magnifique de vous entendre. Professeure d'histoire au Collège Mérissa à Québec, chargée de cours à l'Université de Sherbrooke. Merci. Ça m'a fait plaisir. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site Internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.